Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je prends la voie de gauche. Réponse C. Je garde la même allure. Réponse D.